Donc, aux États-Unis, il y a à peu près, enfin, il y a presque 326 millions d'habitants. Et ça représente en gros 5% de la population mondiale. Et il faut savoir que la population carcérale américaine représente 21% de la population carcérale mondiale. Donc c'est énormissime. Dans cette population-là, ces personnes détenues aux États-Unis, c'est 2,7% d'adultes, soit un adulte sur 37 qui est enfermé là-bas. Donc c'est des chiffres qui sont vraiment qui sont terribles en fait et qui vont expliquer aussi pourquoi les personnes se révoltent et dénoncent ce système carcéral. Donc en plus de ça, on assiste aussi à un certain racisme systémique puisque la population carcérale aux États-Unis est quand même assez majoritairement constituée de personnes noires. Les Noirs américains, ils représentent 12,7% de la population totale des États-Unis, soit à peu près presque 41 millions de personnes. Et eux, ce sont donc sur presque 7 millions de personnes emprisonnées, 34% sont Noirs aux États-Unis. Donc ça fait un peu plus de 2 millions de personnes enfermées en prison. En gros, les Noirs aux États-Unis ont 5 fois plus de chances d'être enfermés que les Blancs. Les femmes noires représentent le double des femmes emprisonnées aux États-Unis. Et à échelle nationale, ce qu'il y a de plus terrible encore, c'est que les enfants afro-américains représentent 32% des enfants arrêtés, 42% des enfants détenus et 52% des cas dont les cas sont dirigés vers des cours criminelles. Donc c'est vraiment grave. En gros, les Noirs et les Hispaniques aux États-Unis représentent 32% de la population. Si les taux qui sont appliqués aux Blancs, les taux d'enfermement étaient appliqués aux Noirs et aux Hispaniques, la population carcérale baisserait de 40%. Donc voilà. C'est le contexte, malheureusement, de la prison strike, donc la grève de la prison. Et aussi un contexte. Il y a un autre événement historique terrible qui s'est passé en 1971, où George Jackson, donc c'est une figure emblématique du Black Panther Party. Donc lui, le 21 août 1971, a été assassiné. Et à la suite de cet assassinat, il y a la malheureusement légendaire révolte des prisonniers de la prison d'Attica qui a eu lieu. Donc c'est une révolte qui a duré 4 jours, du 9 septembre 1971 au 13 septembre 1971, et qui a eu pour conséquence une répression d'État dans le sang. Le 9 septembre, plus d'un millier de prisonniers prennent le contrôle d'une partie de la prison d'Attica. Ils ont pris en otage des surveillants et des employés de la prison. Et le 13 septembre, sur ordre de Nelson Rockefeller, le gouverneur de l'État de New York, la police donne l'assaut. Et c'est 32 prisonniers qui ont été assassinés. 10 matons ont été retrouvés morts et encore plus de blessés. Donc là, je vous rappelle juste pour que vous le sachiez, mais en 2000, en gros, des familles de détenus et des matons ont été indemnisés par l'État. Mais jamais l'État américain n'a reconnu sa responsabilité dans ce drame. Donc depuis la prison aujourd'hui, rien n'a évolué. Enfin, les choses sont aussi terribles que depuis cette révolte-là. Et en 2016, une première grève est lancée par le Free Alabama Movement. Et en gros, c'est une organisation de prisonniers et de proches de prisonniers qui appelle les détenus de tout le pays à protester contre l'esclavage dans les prisons et les mesures d'isolement que subissent les détenus. Donc, c'est 24 000 détenus qui participent à cette première grève. Ça représente 1% de la population carcérale, mais quand même, c'est énormissime parce que c'est le plus important mouvement de prisonniers dans l'histoire des États-Unis. Cette année-là, en 2018, il y a une nouvelle grève qui a lieu, et ce, depuis donc cette date du 21 août jusqu'au 9 septembre 2018. Et c'est d'autres organisations cette année qui ont appelé à cette grève, dont c'est plusieurs en fait syndicats de défense des droits des prisonniers. et entre autres le Jailhouse Lawyers Speak et d'autres organisations. Donc cette grève est un appel à tous les prisonniers en fait du pays à manifester leurs protestations contre ce système répressif, contre l'esclavage, contre l'isolement, contre les longues peines, mais de toutes les manières possibles en fait, soit à travers tout simplement le boycott des cantines, soit à travers des grèves de faim, soit à travers l'arrêt du travail dans les prisons. Donc en gros, ce que j'ai pu voir, moi, dans ce que j'ai pu lire, c'est que les données sont super difficiles à récolter parce que suite à la grève de 2016, des prisonniers ont fait confiance à certains médias pour leur livrer leur version, en fait, depuis l'intérieur. Et il y a eu d'énormes représailles contre eux. Et du coup, ça a été très difficile, et encore aujourd'hui, d'estimer vraiment à combien de prisonniers participent ou ont participé à cette grève cette année. Donc cette année, c'est plus de 11 États aux États-Unis qui participent à cette grève avec plusieurs prisons différentes. Donc je vais vous donner dans le détail quand même, histoire de leur rendre hommage aussi, parce que c'est important, je pense que Outre-Atlantique, on en parle. Donc à Washington, il y a une grève de la faim qui a été déclarée par les 200 détenus migrants du centre de détention de Tacoma. Et par contre, par peur... Et par contre, par peur des représailles, il n'y en a que 70 qui ont réellement participé pendant la première semaine à cette grève de la faim. Et 7 qui ont continué pendant la deuxième semaine. Ensuite, les détenus de la prison d'État de Reidsville en Géorgie, pareil, qui ont participé à cette grève. En Caroline du Sud, c'est 6 prisons majeures où les détenus sont en grève et qui ont refusé de travailler. Caroline du Nord, 2 centres de rétention recensés en grève pour soutenir le mouvement national. Ohio, il y a eu 2 détenus en grève de la faim depuis le 21 août. David Isley et James Hart, et ils ont été envoyés au mitard. Je dis leur nom parce que c'est des détenus en fait qui vraiment prennent cher en ce moment. Donc voilà pourquoi je les nomme aussi. Donc ils ont été envoyés au mitard pour les couper de tout contact avec l'extérieur. Indiana, plusieurs détenus en grève de la faim. Et ils réclament, chacun a des réclamations différentes, mais là pour le coup... Ils réclament aussi, eux, particulièrement au niveau de la prison où ils sont, une nourriture décente et des mesures pour mettre fin aux températures glaciales dans la prison dans laquelle ils sont. Donc au Nouveau-Mexique, les détenus du centre correctionnel de Hobbs ont arrêté de travailler pour dénoncer leurs conditions de travail. Et eux, leur prison est gérée par une société privée, comme beaucoup, beaucoup de prisons aux États-Unis. Dans tous les centres de l'État, du coup, du Nouveau-Mexique, l'administration pénitentiaire a placé les détenus en confinement dans leurs cellules à partir du 20 août, dès qu'ils ont su en fait que cette grève allait avoir lieu, et pour soi-disant maîtriser les tensions liées au mouvement de grève. Donc cette mesure a été levée depuis, mais il y a quand même un centre de rétention qui reste en fait. Avec cette mesure-là. En Floride, il y a 5 prisons où les prisonniers donc, participent activement à cette grève. Et au Texas, donc, j'ai réussi à trouver un message qui a été relayé par un des syndicats des prisonniers depuis le quartier d'isolement de la prison de Beaumont. Et donc, il y a 2 détenus qui sont en grève de la faim. Donc, il y en a un d'eux qui dit « Je suis en forme, mais j'ai très faim ». Mais pas parce que j'ai pas de nourriture, mais plutôt en signe de ma solidarité avec mes frères et sœurs. C'est le seul moyen qui est à notre disposition pour montrer notre soutien depuis l'intérieur. Que tout le monde sache qu'on est derrière vous. Du coup, cette personne est en grève de la faim et au quartier d'isolement où il a été placé. Et cet homme-là est dans son quartier d'isolement. Ça fait 25 ans qu'il y est enfermé, en fait. Donc il y a divers soutiens qui ont été apportés à ce mouvement de grève, au Canada notamment, donc à Nova Scotia, donc c'est une des régions, où les détenus ont rejoint le mouvement de grève et ils ont rédigé une déclaration pour montrer leur soutien à leurs frères et sœurs qui manifestent en prison aux États-Unis. Et aussi pour formuler des demandes eux-mêmes, au niveau de leur administration à eux. Par contre, au Canada, ces détenus-là qui ont décidé de protester, ils ont pris cher. L'administration pénitentiaire donc, les a confinés dans leurs cellules. Et puis ensuite, à travers des pseudo-séances de négociation, ils ont été humiliés, mis à nu, fouillés. On les a enfermés pendant plus de 3 jours dans des cellules où il n'y avait aucun point d'eau ni toilette. Voilà. Et il y a aussi les Palestiniens emprisonnés du Front populaire de libération de la Palestine qui les soutiennent et qui leur ont adressé une déclaration. Voilà. Sachant que dans tout le pays, à l'extérieur aussi, il y a beaucoup de marches qui ont été organisées par les familles, par des gens qui ont entendu parler aussi de cette grève-là et qui veulent manifester leur soutien, mais aussi rappeler à l'État que les prisonniers sont des êtres humains, qu'ils ont des droits fondamentaux qui doivent être respectés et puis qu'il faut à tout prix que l'exploitation, l'esclavage dans les prisons cesse. Voilà. Oui, juste pour rappeler un petit point, en fait, c'est que quand historiquement l'esclavage a été soi-disant aboli aux États-Unis, en fait, il n'a pas été aboli pour les personnes inculpées pour crime. Donc, en fait, on a l'esclavage, il continue en fait aux États-Unis si tu as commis un crime. Donc, c'est là-dessus, en fait, l'un des points importants ou pourquoi on peut encore parler d'esclavage vraiment, parce que. Parce que voilà, quoi, c'est plus que les salaires qui réduisent à l'esclavage que tu as dans les prisons françaises ou même avec le SMIC en France. Mais voilà. Mais donc, c'est sûrement l'une des plus grosses luttes là qu'il y a eu aux États-Unis depuis longtemps. Et dans le Delaware aussi, il y a 13 personnes qui ont fait une grève de la faim. On avait eu ça juste après. Et puis c'est quelque chose qui s'inscrit sur la durée, puisqu'en fait c'est la troisième fois qu'il y a une grève nationale des prisonniers et des prisonnières aux États-Unis et que il y a un vrai et vraiment quelque chose qui se passe et que c'est quand même assez très intéressant et on va essayer de suivre ça de plus près. Voilà. Et juste pour citer quelques entreprises qui utilisent des travailleurs aux États-Unis, on pourrait faire la même pour la France, mais donc il y a Microsoft, Starbucks, Nintendo, Dell, McDo, Intel, UPS, HP, Caterpillar, IBM, United Airlines, et donc toutes celles-là, on peut les boycotter très largement.